Chapitre 8e. Le château des Charmilles que M. Passemard avait acheté au comte de Garamante est situé dans le voisinage de la forêt de Fontainebleau, au sommet d'une colline d'où le regard embrasse un de ces paysages sans grandeur, mais non pas sans charme, qu'on trouve aux environs de Paris. Le parc descend en pente très douce jusqu'à la Seine. Les molles sinuosités de la plus nonchalante des rivières se déroulent entre les coteaux boisés de la rive gauche, et à droite, une vaste plaine où la moisson, verte en avril, jaunissante en juin, dorée en août, ondule à perte de vue. À quelque distance du château, sous la lisière de la forêt, le pavillon de chasse habité par M. de Garamante pendant la belle saison dresse son toit pointu au-dessus d'un bouquet de bois. Vers le milieu de juin 1877, la famille Passemard quitta Paris et s'installa au Charmilles. Henri Mareuil se félicita fort de ce départ. Depuis un mois qu'il avait pris possession de ses fonctions officielles et secrètes, il avait seulement entrevu, aux heures des repas, la fille de M. Passemard et échangé avec elle quelques paroles insignifiantes. Le nom de Jacques avait à peine été prononcé. Aussi fut-ce avec un peu de surprise qu'il entendit un soir, à la fin du dîner, André lui dire tout à coup « Eh bien, M. Mareuil, avez-vous reçu des nouvelles d'Italie ?» « Aujourd'hui même, mademoiselle, le piéton m'a remis tout à l'heure une lettre de Jacques. A-t-il fait bon voyage ?»« Excellent. Et que vous dit-il d'intéressant ?»« Mon Dieu, pas grand-chose. Il a passé quelques jours à Turin, à Gênes, et se propose d'arriver à Florence seulement vers la fin de la semaine. Il ne se presse pas et prétend qu'on doit déguster l'Italie à petits coups, comme un verre de vin vieux. Est-ce tout ?»« Mais oui, à peu près. Ah, j'oubliais, une commission. » Jacques me charge de présenter son respect à madame votre mère et M. Passemard. Ah. Elle changea brusquement de sujet et il ne fut plus question du voyageur. Henri avait supprimé à dessein, dans le compte-rendu de la lettre, tout ce qui avait trait à André. C'était une petite expérience qu'il tentait afin de savoir comment la jeune fille accepterait cette prétendue indifférence de Jacques. André fut ce soir-là de très méchante humeur. Elle s'était assise dans un coin du salon, la tête renversée sur le dossier de son fauteuil, et regardait obstinément en l'air, sans rien dire, tandis que son père étudiait les cours de la bourse et que Maxime cherchait dans ses journaux de sport des révélations sur les performances de différents chevaux. Après un assez long silence, Madame Passemard, qui ne cessait de s'agiter sur sa chaise et poussait de gros soupirs en regardant sa fille, interrompit un travail de couture pour lui dire « Est-ce que tu es souffrant, André ?» « C'est sans doute le changement d'air. Veux-tu prendre une tasse de camomille ?» Madame Passemard avait une dévotion particulière pour cette tisane et la préconisait avec autant de confiance contre les idées noires que contre les crampes d'estomac. André se redressa brusquement et répliqua d'une voix irritée « Mais non, je ne suis pas souffrante. Je me tais, voilà tout. C'est une persécution, ma mère, de me proposer une tasse de camomille toutes les fois que je n'ai pas envie de parler. »« Allons, bichette !» dit Passemard. « Du calme. Ne sois pas nerveuse comme cela, que diable. Ça t'ennuie un peu d'avoir quitté Paris, n'est-ce pas? Te voilà bien malheureuse. Voyons, il faut te distraire. Veux-tu faire un bésig avec moi ou ton frère? Non, merci, jouer ensemble. Viens-tu faire un tour au potager? Allons voir les melons, dit. Veux-tu, pendant qu'il fait encore un peu jour? Non, il y a trop d'humidité. Allez prendre l'air tous les deux. Je reste ici. » Elle se leva nonchalamment, étendit les bras en bâillant, s'approcha de la table où Henri lisait tout en l'observant du coin de l'œil, feuilleta l'illustration et le tour du monde, parcourut le sommaire d'une revue, puis, se laissant tomber d'un air découragé sur le tabouret de son piano, elle jeta au hasard quelques accords et se mit à chanter. « Ah, si vous saviez comment on pleure, de vivre seul et sans foyer, quelquefois devant ma demeure, vous passeriez. Si vous saviez que je vous aime, surtout si vous saviez comment, vous entendriez peut-être même, tout simplement. » Après un silence, elle reprit la seconde strophe d'une voix lente, termina avec une fort belle note grave et resta pensive, oubliant ses doigts sur le clavier. « Jolie musique, » dit Henri. « Belle parole, » répliqua-t-elle. « Bonsoir, ma mère. Décidément, je suis fatiguée. Je vais me coucher. Bonsoir, monsieur Mareuil. » « Veuillez, » dit-elle avec un peu d'affectation, « me rappeler au souvenir de Jacques quand vous lui écrirez. » Vous rappelez à s'en souvenir, mademoiselle ? Je ne pense pas que cela soit nécessaire, répondit-il à voix basse, après une seconde d'hésitation et en s'efforçant d'atténuer, par l'innocence de son air, la hardiesse de sa réponse. Elle sortit. « Tiens, tiens, » pensait-elle, en montant à sa chambre. « Il paraît que ce bon Jacques n'a pas voulu quitter Paris sans laisser auprès de moi un fondé de pouvoir. Et c'est à M. Mareuil qu'il a confié sa procuration. Oh, mais cela devient très amusant, alors !» La chambre de la jeune fille communiquait de plein pied avec un balcon par une porte-fenêtre. André l'ouvrit, et appuyée sur la grille, elle regarda. C'était une de ces claires nuits d'été qui ajoutent on ne sait quel mystère et quel recueillement à la majesté des grands bois. La lune baignait de sa lumière lactée une immense pelouse, qui, entourée par les masses sombres des taillis, semblait une nappe d'eau phosphorescente bordée par de noires falaises. Dans l'air apaisé flottaient ces vagues parfums qui sont l'haleine nocturne des champs. Ils sortent non seulement des fleurs, mais aussi de la bonne terre nourricière qui ouvre toutes ses portes à la fraîcheur du soir, des herbes que la rosée vivifie, des feuillages frissonnants sous la caresse d'une brise légère, des troncs mêmes, dont l'écorce est gonflée par le flux puissant de la sève. Au milieu du grand silence des êtres et des choses, seul un mélancolique oiseau de nuit jetait son cri monotone, dont la note unique, infiniment triste et douce, traversait l'espace à intervalles réguliers et se perdait au loin dans la campagne endormie. Si peu sensible que fût d'ordinaire André à la grandeur simple des spectacles de la nature, la poésie de cette nuit splendide avait un charme si pénétrant que la jeune fille se sentit gagnée, après quelques minutes de contemplation, par une émotion inconnue. Elle songea à son ami absent. Elle revit Jacques dès qu'il lui était apparu dans le petit salon, non pas triste et timide comme de coutume, mais la voix impérieuse, le geste dominateur, les yeux pleins de flammes. « Pourquoi n'est-il pas toujours ainsi ? » pensa-t-elle. Puis, par un retour sur elle-même, elle se prit à regretter amèrement le vide et l'inutilité de sa vie. Que devenir ? Attendre encore ou bien épouser Jacques ? Mais est-ce que je sais seulement si je l'aime, moi, ce chevalier de la triste figure ? Madame Jacques Henriot, belle situation dans le monde. Dieu, que je suis seule et que je m'ennuie. Elle en était là de ses réflexions quand un pas résonna au-dessus de sa tête. C'était Henri qui rentrait dans sa chambre, à l'étage supérieur. Sa fenêtre était ouverte. André l'entendit fredonner d'une jolie voix de ténor. « Si vous saviez que je vous aime, surtout si vous saviez comment. » « Tiens, » se dit-elle en quittant le balcon. « Ce n'est pas comme son ami, il est musicien, lui, au moins. » Et elle ferma doucement sa fenêtre, tandis que le jeune homme se mettait à la sienne pour se reposer, en regardant cette belle soirée, d'une longue et fastidieuse conversation politique qu'il venait de soutenir au salon. Monsieur Passemart avait cru devoir discuter avec lui les principaux points de la profession de foi qu'il se proposait d'adresser bientôt aux électeurs de sa circonscription.